blessure athéromateuse fait partie de la maladie athéromateuse ou bien elle peut être inflammatoire. Il y a plusieurs types de maladies inflammatoires. Donc, on peut les diviser en deux groupes. On peut les diviser. Deux groupes. Les artériopathies athéromateuses et les artériopathies inflammatoires. C'est bon? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au cours de la présentation. Donc, la réaction normale de l'organisme va essayer de colmater cette brèche. Regarde bien. Donc, ce sera une cicatrisation. Mais lorsque la lésion inflammatoire siège en dedans de la peau, lorsqu'il y a cette réaction normale de l'organisme pour colmater cette brèche, cette lésion, ça va donner une sclérose. Parce que j'ai en dedans de la peau. C'est bon? Donc, une artère saine, un obstacle à l'écoulement du sang. Cet obstacle, lorsqu'il s'agit d'une maladie athéromateuse, il est formé par cette plaque d'artère, qui est un demi-maniement, un ensemble de demi-maniements formé par des glucides, des lipides, des tissus fibreux, des pensées. C'est une pièce anatomopathologique d'un thrombus, d'une sténose athéromateuse. Ενώ cette maladie a chiropateuse, ou bien cette AOMI, bon, aujourd'hui, notre article de description, on va essayer d'analyser ou bien d'étudier bien la maladie de l'AOMI, ou bien l'artériopathie oblitérante du membre inférieur de nature athéromateuse, parce qu'elle est la plus fréquente. Donc, généralement, elle touche les artères. Les artères, donc, soit la porte, soit les artères. Que référer ? Généralement, c'est les membres inférieurs, les membres inférieurs. Voilà l'anatomie des artères des membres inférieurs. Vous avez la aorte en gros, qui se divise en deux artères iliaques, l'artère iliaque primitive gauche et l'artère iliaque primitive droite. Chaque artère iliaque primitive se divise en deux artères, l'artère iliaque externe et l'artère iliaque. L'artère iliaque externe se continue par l'artère fémorale commune. Et la commune se divise en artère fémorale profonde, l'artère la cuisse, et l'artère fémorale superficielle qui se continue par l'artère poplitée. Après, l'artère poplitée, il donne deux artères, artère tibiale antérieure et le temps tibio-péronique qui se divise en artère tibiale postérieure et l'artère péronienne. On perd l'artère tibiale antérieure se continue par l'artère pilleuse. Cette maladie athéromateuse peut toucher n'importe quelle artère. Donc, elle peut être. Cette maladie athéromateuse peut être. Peut-être distal, donc ça touche les artères distales. Elle peut être proximale, donc aorto-iliaque, ou bien aorto-ilio-fémorale, soit fémoro-jambière, soit diffuse, avec plusieurs localisations, ou bien peut-être mini, c'est dit. Petite plaque au niveau de la paroi des artères. En réalité, cette AOMI de nature athéromateuse n'est qu'une localisation de la maladie athéromateuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'il y a un malade, il a cette maladie, il a de l'athérome au niveau du membre inférieur, il y a une forte probabilité que ce malade-là d'avoir d'autres localisations de la maladie athéromateuse. Et c'est ces localisations-là qui peuvent conditionner le pronostic vital du malade. Parce que l'AOMI conditionne généralement le pronostic fonctionnel du malade. Ça peut aller vers une amputation. C'est beaucoup plus fonctionnel. Mais les autres localisations de la maladie athéromateuse, finalement, ça engage le pronostic vital, parce que ça touche les artères du cœur, les artères coronaires, les artères à destinée cérébrale, en donnant des AVC, en touchant l'aorte, donnant un anévrisme de l'aorte, avec le risque de rupture et de thrombose de l'aorte, et c'est la catastrophe. Donc, l'AOMI de nature athéromateuse n'est qu'une marqueur de risque. C'est un marqueur. Ça veut dire que lorsqu'elle existe, il faut chercher d'autres localisations de la maladie athéromateuse. Donc, c'est une marqueur de risque cardiovasculaire. Il faut bien investiguer ce malade en recherchant les autres localisations de la maladie athéromateuse. Est-ce que cette pathologie, l'AOMI athéromateuse, est fréquente? Oui. On n'a pas de statistiques algériennes. Il y a des statistiques françaises qui disent que 10% de la population est touchée, 20% de sujets qui ont plus de 65 ans ont une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Et lorsqu'un malade il a une AOMI, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité de tomber sur d'autres lésions, de maladies atéromateuses, sur les autres territoires. Maintenant, quels sont les facteurs de risque de l'artériopathie oblitérante, du membre antérieur de nature athéromateuse? Quels sont les facteurs de risque? Eh bien, c'est les mêmes facteurs de risque de la maladie athéromateuse. C'est les mêmes facteurs. Quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire? C'est l'âge. Plus de 50 ans pour toi. 60 ans. 60 ans pour toi. Le tabac. En actif ou bien. Tabagisme, c'est d'aller moins de. Passif ou bien, c'est d'aller moins de 300. Diabète traité ou non traité. HTA traité ou non traité. Une dyslipidie. Surcharge pondérale. Zéro. La seconde. Stress. Le stress, la coronaropathie, familiale. Donc c'est les mêmes facteurs de risque, mais c'est, disons, c'est la dominance de certains facteurs de risque par rapport aux autres qui priment dans cette situation. Donc là oui, il y a deux facteurs de risque qui dominent la genèse de cette maladie au niveau du membre inférieur. C'est le tabac, hein, pour la oui, proximal, c'est une question du bras, et le diabète pour Naomi distinct. Quelle est notre particularité de Naomi chez les diabétiques, c'est que l'atteinte elle est distale et elle est diffuse. Il y a plusieurs localisations de la maladie au niveau des artères du membre inférieur. C'est bon? Le tabac et le diabète. Le tabac, c'est domine les aomies proximales, au niveau de l'aorte, les artères iliaques, la fémorale. Et le diabète domine les atteintes périphériques. Donc, c'est les mêmes facteurs de risque, sauf si que la dominance, il y a la dominance de deux facteurs, le diabète et le tabac. Pour la physiopathologie de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur, quelle est la différence? Ou bien, quel est le mécanisme de la maladie athéromateuse? Ça commence toujours par une petite plaque. Une petite plaque d'athérome au niveau d'une paroi artérielle. Il y a plusieurs facteurs qui conditionnent ou bien qui participent à la genèse de cette plaque. Le chemin des facteurs. C'est des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, ouais, diabétique, être sédentaire, atabagique, voilà, une mauvaise hygiène de vie, etc. Ça donne une plaque. Plaque d'athérome au niveau de la paroi artérielle. Cette plaque d'athérome va subir au cours de son évolution, parce que si le facteur de risque persiste, donc cette plaque va grossir, va évoluer, hein, pouvant donner une sténose. Cette sténose, elle est toujours en confrontation avec le sang. Il y a toujours du sang qui circule dans l'artère. Donc il y a toujours un frottement du sang avec la sténose. Ça donne des phénomènes hémorragiques intraplaques. Ça donne une fissuration au niveau de la plaque. Donc, fissuration de la plaque, donc automatiquement, l'organisme va essayer de. Coagulation. L'hémostase secondaire pour, disons, souder cette fissure. Mais malheureusement, l'hémostase primaire et secondaire, il fait appel aux éléments fibrillés du sang, ça va constituer un thrombus. Donc, thrombose. Donc, d'une sténose avec un passage léger du sang vers thrombose, une occlusion totale de la route. Cette occlusion, soit dans cette sténose, avant qu'elle se ferme complètement, elle peut envoyer des petits embolies. Des petits embolies qui vont boucher des petits artères. Ou bien carrément, la sténose rapidement donne un thrombus et donne une ischémie aiguë du mouvement. Donc, c'est comme l'angor et l'infarctus. L'angor, c'est l'espace de la sténose. L'infarctus, c'est la thrombose de la plaque. La sténose, il y a une ischémie qui peut se manifester d'abord juste à l'effort, au-delà d'un périmètre de marche, c'est-à-dire que le malade marche. Au-delà d'un périmètre de marche bien défini, il commence à avoir de la douleur. Parce qu'il y a une demande d'oxygène. Cette demande, elle n'est pas satisfaite par les apports. Mais lorsqu'il y a une thrombose, c'est une occlusion, fermeture complète de l'artère. C'est une ischémie aiguë, c'est une douleur, même au repos, le malade se plaint. C'est bon? Voilà, je te mets à l'épreuve. Ischémie. Très bien. Donc, qui dit que l'aoïe, en réalité, n'est qu'un marqueur de risque. Qu'un marqueur de risque cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que dans la genèse de la plaque d'artère au niveau du membre, d'après le schéma précédent, lorsqu'il y a cette genèse d'une plaque au niveau d'une artère périphérique, ça se peut que c'est le même mécanisme qui se reproduit dans votre territoire. Donc ça se peut, c'est le cœur. C'est mon territoire, c'est le même. C'est le même processus au niveau des artères coronaires, donc infarctus. Voilà. Au niveau des artères cervicales, AVC. L'aomie en elle-même peut aboutir thrombose complète, gangrène, donc amputation du membre. La haute anévrisme peut se rendre. Et la rupture de la mort, c'est mort. Subite. C'est mort. Donc, lorsque vous avez un malade, il a un problème d'artériopathie oblitérante du membre inférieur, pensez aux autres territoires et bien investiguer les autres, parce qu'il y a un infarctus, d'angine de poitrine, d'AIT, d'AVC. Donc, Chefna, la définition de l'aomie, la classification de type aomie athéromateuse et les aomies non athéromateuses, les facteurs de risque de l'aomie athéromateuse, parce que c'est notre type de description, parce que c'est la plus fréquente, la plus grave. On peut maintenant la physiopathologie, en passant par l'épidémiologie. Maintenant, le diagnostic. Comment on pose le diagnostic d'une artériopathie obliterante du membre inférieur? Et bien, tout diagnostic en cardiologie doit commencer d'abord par l'interrogatoire du membre. Cet interrogatoire doit concerner, bien, doit interroger l'appareil circulatoire. Sur le plan, est-ce que ce malade, est-ce qu'il a des facteurs de risque cardiovasculaire? Donc, je vais essayer d'énumérer tous ces facteurs de risque cardiovasculaire. Par la suite, deuxièmement, je vais analyser son terrain. De quel moyen est-ce qu'il a pris déjà un infarctus, un angor, un AVC? Est-ce que déjà un doigt d'anévrisme? C'est bien, parce que l'existence de facteurs de risque cardiovasculaire, un terrain un terrain vasculaire chez le malade. Donc, il génère une douleur au niveau du membre. Donc, la logique, c'est des choses. C'est la première hypothèse à poser, bien à analyser. C'est l'hypothèse athéromateuse. Hein, c'est l'aomie athéromateuse qui est en train de toucher ou bien de s'étendre vers le membre inférieur. Donc, j'analyse ces facteurs de risque cardiovasculaire. J'analyse le terrain, j'analyse sa symptomatologie clinique. J'ai interrogé le malade. C'est bon. Dans l'examen clinique, proprement dit, inspection, palpation, auscultation, percussion. Bon, l'inspection ça va être mon grand frère, ça va rien voir. C'est beaucoup plus la palpation. Donc, je vais essayer de palper les poumons de façon bilatérale. Et si vous voulez, quelque chose, c'est une diminution du poumon, abolition du poumon. En fait, c'est l'auscultation des trajets vasculaires. Parce que lorsqu'il y a une sténose, donc il y a un frottement du sang avec cette sténose, ça génère un souffle. Donc, par la suite, il y a un geste clinique qui est simple, un geste clinique simple, qui nous permet d'évoquer la maladie interromateuse, c'est le calcul de index de pression systolique, EPS. L'EPS, c'est quoi? Je prends la tension artérielle systolique au niveau du membre supérieur gauche et au niveau du membre supérieur droit. Par la suite, soit je prends ma moyenne terrain, soit je retiens le chiffre le plus élevé. Par la suite, je prends la pression artérielle systolique au niveau du membre inférieur droit et la pression artérielle systolique au niveau du membre inférieur gauche. Et je fais la division. Nèse systolique du membre inférieur gauche sur soit la valeur la plus élevée à systolique du membre supérieur, soit je dis la moyenne. Indivisible à la gauche sur la moyenne, disons la moyenne, c'est-à-dire l'IPS à gauche, qui divise systolique du membre inférieur droit sur la pression systolique du membre supérieur gauche, c'est-à-dire l'IPS droit. Quelle est la valeur normale? C'est entre 0,9 et 1,3. Si l'IPS est inférieur à 0,9, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité de maladie athéromateuse qu'on doit la considérer par un examen d'ordre vasculaire. C'est inférieur à 0,9, là c'est artérieux passif. Si supérieur à 1,3, là c'est la médiacalcose, c'est-à-dire c'est l'accumulation du calcium artérieux média. Par la tête diabétique, par calcification de la paroi de la tête. Donc, là, c'est comment palper les coups, coupe milieu, tibia postérieur, coupe pliée. Bon, parfois, parce que on demande au malade, généralement, c'est le périmètre de marche. Combien vous marchez pour avoir la douleur. Des fois, le malade, il se dit diabétique. Mais attendez, je vais chiffrer ça. Artériopathie, en plaisirant. Donc, là, il y a une méthode objective. Dis-le devant cet examen. Hein. Dis-le une épreuve de masse sur le papier. Dis-le chez moi. Ben, on fait le calcul à vous. Est-ce qu'elle est de moins de 100 mètres ou bien plus de 100 mètres, hein, pour la classification. Donc, une fois dénalipies, l'inférieur, on doit confirmer. J'ai demandé un Doppler masculin, artériel. J'analyse la paroi de l'artère, l'existence ou non d'une sténose, la sévérité de cette sténose, l'existence d'une circulation collatérale d'une sténose. Par la suite, si je vois qu'il y a probablement une indication opératoire, je dois confronter deux examens. Donc je demande soit un ange scanner du membre inférieur, ou bien une IRM du membre inférieur. Hein, parce que je vois deux examens paraclinique pour proposer à un malade pour un geste interventionnel. Par l'IPS, Doppler, si je propose de voir la chirurgie, je complète par la deuxième et ça va plus vite. Maintenant, symptomatologie. C'est quoi la symptomatologie? On va analyser la symptomatologie via l'ordre. C'est quoi? Les problèmes de la symptomatologie, c'est une claudication. Claudication intermittente du mot. Le malade. Un certain moment, il commence à claudiquer. Ça veut dire avoir mal, une douleur, un certain niveau de marche. C'est la clause intermittente, donc diurne. Parce que lorsque le malade s'arrête, il se repose, il reprend, hein, ça sert de mettre et de réapparaître pour le même périmètre de marche. Donc c'est ce qu'on appelle la claudication intermittente du mot. Maintenant, c'est le siège de la douleur qui diffère en fonction du siège de la sténose. Ça dépend de la sténose aiguë. Par exemple, si la douleur, les douleurs de la fesse, ça oriente vers une lésion de la bifurcation aortique, ou bien de l'iliaque primitive, ou bien de l'iliaque interne. Une douleur au niveau de la cuisse, oriente vers une lésion de l'iliaque externe, la fémorale commune, bien la fémorale profonde. Hein? Une lésion au niveau fémoro-occipité, ça oriente vers, ça donne une douleur au niveau du mollet, bien la plante du lit. Un stade plus avancé, la douleur devient, hein, même au début du chemin où c'était une douleur, À l'effort. Si cette lésion, cette sténose, continue à évoluer, ça donne une douleur, mais décubitus, rédoblia, le périmètre de masse cérébrale devient nul et la douleur devient permanente et le malade sera obligé de s'allonger et en gardant la position d'équilibre des membres. Un stade plus avancé, c'est les troubles trophiques. Ulcère, gangrène, problème de fanère, donc il y a une dépilation du mot. Donc ça peut aller même vers des nécroses et par la suite c'est une amputation. Donc, un malade, lorsque vous voyez dans un service, aux urgences, ou bien n'importe quel malade, lorsque vous avez un malade avec ces lésions de bas. Pensez à son réseau artériel. C'est probablement ses artères qui sont malades. Donc, il ne faut pas dire, c'est peut-être une balade, infection, avec l'antibiotique. Ça ne va pas régler les choses, c'est ses artères qui sont malades. Donc, pour guérir ce malade, il faut aller intervenir sur ses artères. C'est la même chose, les gangrènes, c'est l'artère qui est malade, c'est ischémie, critique, sévère, et donc c'est les yeux. Au niveau de fanal. changement de couleur, c'est... Quel changement de couleur? Ouais, c'est un rose pâle, la dépilation, tu vois. La même chose. C'est comme si... Voilà, le membre, il est dépilé, cyanosé, il congrète. C'est ses affaires qui sont malades. L'intervention. Et probablement, son cœur est malade. Et probablement, il va faire un AVC par la suite. Et probablement, elle doit manipuler le nom. Agda, c'est la maladie athéromateuse qui est en train de se propager. Ça évolue vite, monsieur? Bien sûr. C'est une esquive. Pendant combien? Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang qui arrive au niveau du menteur. Monsieur, le seul remède est l'amputation? Ça dépend. Donc maintenant, un malade, il est à un stade d'ulcère. Donc, on fait l'investigation, l'IPS, l'IPU, l'urodoplane, quand il y a une stérose. Dis-moi un scanner, si cette stérose, elle se prête pour un geste de revascularisation, ça va sauver le membre. C'est une ischémie, donc malhonte. Donc, il y aura du sang qui arrive de plus en plus vers cet endroit, ça va guérir. Et il faut bien... Pensez aux artères du monde. Mêmes images. خلنا لي واحد الهضره كما درنا لا حاجه على Lorsqu'elle touche l'artère, c'est une claudication avec différents stades, en fonction de la sévérité de cette sténose. Maintenant, lorsque cette sténose touche certains points latéraux hein, de la hanche, ça peut donner une impuissance sexuelle de nature artérielle. Elle peut aussi donner des symptômes s'il y a une expansion d'un corps latéral type artère rénale. Donc cette sténose touche l'artère rénale. Stémose naturelle, donc une HTA. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait avec des ulcères, baloguines ou autre. Une HTA, c'est là. Donc, c'est simple. Ça se passe. C'est comme ces affaires sont bouchées, les affaires du gras, l'affaire rénale est bouchée, c'est pour ça qu'une HTA, c'est là. Ça se peut dire qu'on a un engorge mésentérique qui est quelque et c'est pas quelque chose. C'est un endroit mésentérique par obstruction des artères mésentériques. Donc, il faut toujours imaginer et examiner un malade dans un contexte bien précis. Dès qu'il y a une hypothèse de départ, complètement, il n'y a qu'un savant avec la première hypothèse, oui. Il n'y a qu'un autre, vous essayez une deuxième hypothèse. L'essentiel, il ne faut pas hésiter, faire des crédits, ou mettre des bons. Et une hypothèse, on s'y va. Si c'est bon, on change. Les artères digestives, artères cérébrales, donc succès-artérie, est-ce que vous avez AVC, artère coronaire, est-ce que vous avez fait bonbon, est-ce que vous avez un aigu. Donc, il y a aussi des questions à poser au même temps. Alors, la classification. Quelle est la classification? L'ancienne classification, c'est la classification de l'origine. Bon, c'est le premier stade, c'est un malade qui est asymptomatique. Mais à l'examen, il y a au moins un peu diminué. Donc, ça, c'est le stade 1 de la vie. Donc, il faut essayer d'être agressif avec le malade en changeant ses habitudes de vie, en lui donnant des conseils pour réduire les facteurs anxieux. Cardiovasculaire. Le stade 1, ces malades commencent à avoir de. La claudication intermittente, à défaut. Donc, le premier stade, c'est le périmètre supérieur à 100 mètres. Le deuxième, moins de 100 mètres. Stade d'avoir, la sténose, elle est plus évoluée. C'est les douleurs, le décrépitus et le périmètre de marche commencent à s'allumer. Le dernier stade, c'est les troubles de Fanon, c'est la cyanose, la paleur du membre, la libération du membre. Agda. Il y a une deuxième classification, la classification actuelle. Or, on a un stade, le vrai stade intraclinique, Voici, si tu n'as oublié, son vision hémodynamique signifie la question de l'écrou. Lorsqu'on fait un Doppler, il y a un informatif qui peut gagner. Mais lorsqu'on fait un Doppler, il y a des plaques. Il y a des plaques. Alors, c'est le vrai stade infraclinique. Le deuxième, c'est le stade d'ischémie des fonds. Fézouge a omis son traduction clinique et a omis avec une claudication intermittente des fonds. Le troisième, c'est le stade d'ischémie permanente, c'est l'équivalent à la douleur de décrépitus. Ou le dernier, c'est l'ischémie critique, c'est l'équivalent à la stade de l'hyatome de faille. La différence, c'est qu'il utilise les moyens d'exploration, le Doppler, pour déjà dépister l'existence de plaques avant la diminution des poumons. C'est bon, donc je suis là, passer le diagnostic de l'orbite, passer une pomatologie, on va poser le diagnostic. Maintenant, les formes cliniques. Bon, il y a bien des formes cliniques. Et il y a une entité particulière, le syndrome de Lurich. Allez, souvent, je pose cette question à l'examen. Syndrome de Lurich. Mais c'est quoi? C'est une claudication intermittente qui touche les deux ventres, associé à une impuissance sexuelle. Ça veut dire que l'occlusion, elle est haute. C'est généralement la terminaison de la route ou bien l'iliaque primitive. C'est une localisation proximale de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Donc les poux sont abolis des deux côtés avec une impuissance sexuelle de nature artérielle. Deuxièmement, cette obstruction peut être de nature unilatérale, peut être une obstruction juste iliaque, donc la manifestation clou d'un seul côté, et l'autre côté clou de bon. Cadastrone fémoro complété, jambière, donc il y a la douleur à la tête au niveau de la crise, et avec une diminution du côté touché, donc améliorer clou de bien. Et une déformation large. Donc, généralement, chez le sujet jeune, ce que dans lui, topographie beaucoup plus proximale. Si le sujet âgé vient du diabétique, ce qu'on appelle généralement diffus, des lésions iconos sévères et la symptomatologie sévère. Chez la femme aussi, déjà, le diamètre artériel est plus petit que le diamètre chez l'homme. Donc, lorsqu'il y a une maladie inflammatoire, ça donne plus de manifestations. Il y a des manifestations, disons, exagérées, parce que ça réduit plus le diamètre de l'artère pour le même degré de stérose par rapport à les complications de l'orbite. Une artériopathie oblitérante du membre inférieur, ça peut se compliquer par une ischémie aiguë du membre. Ça peut se compliquer par une névrose, une gangrène, une amputation du membre. Donc là, il faut être passé dans l'ischémie chronique, l'ischémie par la suite névrose, ben c'est bon. Donc, c'est l'examen d'Oppler. Jusqu'à là. Je dois compter pour la vente avec. Je vais pas le mettre. Maintenant, je vais faire un examen d'opéra. Par exemple, maintenant, c'est l'habitude. Au milieu, après moi, je vais faire l'artère. Il se dit que l'artère fémorale commune, il me faut l'artère fémorale superficielle, il faut l'artère fémorale normale. Je fais l'économie du son normal, du son normal, du rouge à l'intérêt normal. D'accord. S'il y a une sténose qui m'a dit, ah, il y a la sténose, une sténose avec calcification, ça donne une turbulence. Je vous donne une sténose, je vous donne une sténose. Maintenant, vous perdez l'image. Ça réduit le diamètre du flux sombre. Hein. Ça veut dire qu'il y a une sténose sous-jacente. Très bien. C'est bon. Donc, on a posé le diagnostic. C'est une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Confirmé. On a discuté avec Gona, éventuellement ce malade, il faut les indications qu'on peut avoir. Si c'est ce malade, on va le proposer pour une chirurgie. chirurgie ou bien une dilatation. Est-ce que je peux l'envoyer à quelqu'un? Voilà, bien, c'est bon. Ah oui, sténose sévère, estimé à 70% au niveau de la patrimoine commune. Est-ce que le bateau a fait le chirurgien qui va en rando? Il ne comprend pas. Traitement médical, symptomatique. Bon, oui, traitement médical. Le bateau de chirurgien qui est la meilleure. Trombone. Hein? Équilibré? Les anticoagulants. Équilibrer la partie hémodynamique, si, c'est manage, j'ai l'équilibre, c'est. Tromboliser. Tromboliser pas les sténoses. Tromboliser un thrombus. Est-ce que je ne peux l'envoyer à quelqu'un pour une sténose, et que tu veux faire une lettre, sténose, claudication des forces. Le niveau tel, niveau de sténose. Je complète le dossier. Le dossier vient de l'autopère, des ascales. Niveau de. Est-ce que ça suffit pour envoyer un malade pour une queue chirurgicale? Je vous remets sur le dos. Je vous remets sur le dos. L'AOMI n'est qu'un marqueur de risque de l'athérosclérose. Est-ce que tu es un chirurgien pour une sténose rénale et son cœur il est bourré de sténose? Les artères sont bourrées de sténose. Et attention, la table, il décédera sur la table. Parce que là, il y a une circulation, il va clamper là, il va clamper. Ou là, les artères sont bouchées, il monte sur la table. Donc, il faut, avant de proposer un mal, bien que Naomi, pour une chirurgie, il faut faire un bilan pré-thérapeutique centré sur sa localisation qui conditionnera le pronostic vital. C'est une question d'exemple très importante. Donc, avant de voir un malade pour une queue chirurgicale, il faut faire un bilan pré-thérapeutique centré sur les autres localisations de la maladie athéromateuse associée à au bilan standard, c'est-à-dire analyse de la fonction hépatique, fonction rénale, faire le FR, s'il y a une nécrose bien, une gangrène d'irondissoir, antibiothérapie pour empêcher une infection, permettre une intervention. Mais ça, c'est que les localisations secondaires, il faut les dépister. Comment on les dépeste? Il y a un guéro consculté, un guéro incompréhensible, car le cœur, dès qu'elle est dirigée, il est hyper défaut. On va scintigraphier la personne, il y a la marche. C'est si nécessaire une profonde neurographie. Là, on va faire un docteur, acte. C'est maintenant ce mot que je vais là-bas pour voir si ce malade, si on propose si on est dans l'obligation de proposer un malade pour la chirurgie, il faut toujours faire un bilan pré-thérapeutique pour d'abord rechercher les autres localisations. Et la question qui se pose, si je trouve une deuxième localisation, je dois commencer avec cette lésion, la lésion secondaire avant le cœur. Il y a quelque chose qui est là, on a le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, on a le cœur, on a le cœur, on a le cœur, parce qu'il y a déjà le débit cardiaque au max, le max, on a le débit en colombage. C'est bon? Quel est le traitement de la maladie athéromateuse? Comment on évitera l'apparition de cette maladie? Les anticoagulants. Eh bien, le traitement, c'est tuer les facteurs de risque cardiovasculaire. Supprimer les facteurs de risque cardiovasculaire. Bien sûr. Donc, je sais bien que la maladie athéromateuse, elle est générée par les facteurs de risque, donc il faut essayer de supprimer les facteurs de risque cardiovasculaire ou les facteurs de risque. Donc, une base pour le diabète, il faut essayer d'équilibrer le diabète, équilibrer l'hypertension artérielle, donner des mesures hygiénodiététiques au malade pour réduire son poids, hein, améliorer son alimentation. Zéro. L'arrêt du sevrage du tabac. Zéro. Donc, un de ces moyens généraux, lutter contre les facteurs de risque. Deuxièmement, un traitement médical. Le traitement, c'est quoi? C'est facile. C'est une plaque qui va évoluer vers une sténose et la sténose risque de devenir thrombose ischémique. Donc, cette plaque, je vais essayer de la stabiliser. Je stabilise une plaque avec. En évitant le déclenchement de la démonstration périphérique secondaire. Anti-agrégant plaquitaire, contaminant, plasphère. Je donne une statine. Statine, pour éviter l'accumulation plus de cholestérol sur cette blessure. Je donne un inhibiteur de l'enzyme de conversion, un IEC, hein, parce que les IEC, en gros, c'est vrai que le principal activité thérapeutique, c'est diminuer la tension artérielle, mais en gros, un effet très important sur la dysfonction endothéliale qui génère l'athérosclérose. Donc, il y a des trois traitements à nous. Par la suppression des facteurs de risque, plus réadaptation à l'effort. Donc, malade à une sténose, je vais essayer de lui préconiser la marche quotidienne pour que ce malade développera une circulation collatérale. Donc, je vais essayer de favoriser un pompage naturel. Donc, si le malade est pompé naturellement par la circulation collatérale, c'est bon. Le problème est réglé. Donc, réadaptation à l'effort dans la sortie. Donc, circulation collatérale, c'est bon. Le malade a donné le pompage stéro, mais dans les canaux bains et autres, il doit respecter les mesures géodétiques, il faut laisser les facteurs de risque. Et bon, et le problème il est plus ou moins réglé. Bon. Qu'est-ce qui est typique? Le traitement médical. La réadaptation, c'est pour tous les malades. Par la suite, si on proposera ce malade pour un geste, s'il y a deux types de gestes, il y a un geste endovasculaire, c'est-à-dire sans faire la chirurgie. C'est aller vers une lésion, hein, une sténose, avec un guide, hein, ouvert d'un ballon. Oui, nous voyons la sténose, on gonfle le ballon, ça va écraser cette sténose et on met au niveau de la sténose un stent. Et donc on va faire un traitement endovasculaire. Alors bien sûr, lorsqu'on fait ce geste-là, on le fait sous hyparinothérapie. Peut-être que ce traitement est bien préparé. Bon, nous pouvons dire aujourd'hui, traitement endovasculaire. Deuxièmement, traitement chirurgical, la chirurgie. Chirurgie, il y a plusieurs volets, soit l'endartérectomie, c'est-à-dire qu'il y a le chirurgien, l'athérome, top, il est. On le met là. Soit l'acteur difficile, il a la sténose, pompage. Il pousse cuite dans les sols. Chef dit plusieurs lésions, c'est des lésions sévères, étagées et tout. Difficile. D'ailleurs, il peut proposer un geste symptomatique, la sympathectomie lombaire. Il n'a pas les il n'est pas sur ses carrément. C'est un geste palliatif pour juste soulager. Bon, le stade de la France, s'il voit qu'il y a la nécrose, c'est bon, tout en plus de l'eau. Mais bien, si c'est pour soulager les chenilles douleurs, c'est une amputation. Voilà, lorsque le malade, les lésions ne se prennent pas pour un geste de l'ovascularisme. Il y a plusieurs lésions étagées, mais c'est pour ça. Tu es encore un an ou un an ou un an. Quand est-ce qu'on propose ce malade une dilatation? Quand est-ce qu'on propose pour le chirurgien? Elle dit ça, il y a une discussion entre le médecin, un cardiologue, le médecin chirurgien cardiaque. Ça dépend de la localisation de la lésion et l'étendue de l'acte. Elle dit, c'est pas un problème. Donc, tout malade, il est là au stade d'ischémie des vents. Il y a une claudication intermittente du vent. Le dauro, facteur de risque. N'attend ce traitement médical. On peut possible une réadaptation à l'effort. Direct corrige. Si ce traitement améliore la situation, on doit attendre à trois mois. Si la situation s'améliore, c'est bon. Il continue à être. Si il y a un échec du traitement après trois mois, ou bien si ces lésions-là, c'est des lésions qui sont proximales, là où on ou bien des ignats, il ne faut pas attendre à trois mois. Une lésion proximale, s'il y a un événement aigu, c'est bon. Donc, d'abord un traitement médical, réadaptation, correction des facteurs de risque, on attend trois mois. Si c'est bon, oui, c'est non, hop, chirurgie, bien traitement endovasculaire, sauf si cette lésion, elle est proximale, invalide. Allô? Pour une claudication du vent. Un dernier consultant qui consulte pour une claudication du vent. Parmi 100 hadou, il y a 300 malades ou bien plus, ils ont déjà une anomie asymptomatique dans une population. Par exemple, on fait un jour, par exemple, il y a une claudication intervenue. Donc, parmi, dans une population qui joue déjà 100 symptomatiques, il y a déjà 300 asymptomatique. Il y a déjà sans aussi endomicronosication symptomatique, mais ne consulte pas. Donc c'est quand même une pathologie fréquente. Nous-mêmes, parmi les 100 patients, il y a une claudication, il y a un devenir local, il y a un devenir systémique, il y a un arrêt. Le devenir local de la jambe. Parmi les 100 patients, il y a 75 stabilise ou améliore la claudication. Comme ceci, elle est consultée avec la prise en charge. Hein. 25 se détériorent, donc les 5 nécessitent une intervention et 2 une amputation majeure. Elle dit, mais c'est déjà dans les pays où la médecine elle est bien développée, la prise en charge elle est à temps. Pour le devenir systémique, je vais faire ça là-dessus. 5 à 10, c'est selon un événement non mortel. 30 décès, 55 à 60, un événement, ils n'auront pas d'événement. Et parmi les 30 décès, 16 cardiaques, 4 cérébraux, 3 vasculaires et autres non vasculaires. Donc c'est quand même quelque chose de grave, de fréquent, de grave, et qui conditionne le pronostic vital, mais beaucoup plus le pronostic. Beaucoup plus le pronostic fonctionnel, vital. Bon, dis-nous bien que tu as une question. Hein, je ne sais pas si tu as un peu. Je vais te laisser pour la mèche. أنا مش حمار بحس بري اليوم يعرف مانيش حتى بس هلالة هلالة Il y a des modifications.